Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, mythe et réalité autour de la franc-maçonnerie. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie, elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Est-ce qu'il y a tout de même, on sait que la franc-maçonnerie n'est ni de gauche ni de droite, que beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup en tous les cas, certains y appartiennent, est-ce qu'ils ont un pouvoir, les francs-maçons, sur la classe politique? Non. Ça fait partie, encore une fois, des fantasmes qui sont véhiculés parfois par les adversaires, mais même y compris parfois par des maçons pour se donner un peu d'importance. Non, un maçon ou une maçonne est un homme ou une femme libre. Le journaliste Laurent Kupferman, auteur du livre « 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie » à TV5 Monde en mai 2016. Que sait-on vraiment de la franc-maçonnerie et comment départager ce qui appartient au mythe et ce qui appartient à la réalité quand on parle des francs-maçons? Pourquoi la franc-maçonnerie est-elle si souvent présentée comme une espèce de société secrète aux bras très longs qui tire les ficelles du pouvoir et qui revêt presque des allures de secte? Au-delà de ce que Laurent Kupferman appelle « les fantasmes », autour de la franc-maçonnerie, dans quel contexte est donc née cette franc-maçonnerie et sur quelle base repose-t-elle aujourd'hui encore? Nous côtoyons des francs-maçons chaque jour dans toutes les circonstances de la vie. Dans la majorité des cas, on ignore leurs qualités maçonniques qu'ils tiennent secrètes. Toutes les classes sociales, toutes les professions se retrouvent au sein de la maçonnerie. Si l'on considère la répartition socio-professionnelle du Grand Orient, on constate une majorité absolue de 60% de représentants de la fonction publique. Les salariés du secteur privé ne représentent que 25% des effectifs, avec une très grande majorité de cadres moyens et supérieurs. Les ouvriers ne sont que quelques exceptions. Par contre, les professions libérales sont très largement représentées. Pardon, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le Grand Orient de France? Bon, vous savez, je suis gitan, je connais rien du tout là-dessus. J'ai pas d'instruction et je sais pas les réécrire. C'est tout ce que je peux. Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Oh, bah ça, c'est un petit peu de tout, hein, la franc-maçonnerie, un petit peu de sorcier là-dedans, je sais pas quoi. Oh, moi, je trouve que c'est plutôt la bourgeoisie où il y a pas mal d'argent. C'est un petit peu les sans-famille. Ouais. Qui sont les francs-maçons? Socialement ou... En général. Socialement, ça doit être des petits bourgeois, je crois... genre cadre. Ce sont des gens qui œuvrent, je pense, pour l'homme en particulier, pour la liberté, pour l'humanisme. C'est peut-être quelque chose qui rend service à certaines personnes et, à mon avis, qui est peut-être néfaste parce qu'au fond, ça fait partie d'une certaine mafia. Extrait de l'émission française « Les dossiers de l'écran » présenté à Antenne 2 en décembre 1975 pour essayer de mieux comprendre qui sont les francs-maçons et pour nous expliquer de quelle manière va évoluer la franc-maçonnerie au fil du temps. Je reçois Hervé Gagnon, qui est historien de la franc-maçonnerie, auteur de nombreux romans, des polars à consonance maçonnique. Hervé Gagnon, bonjour. Bonjour. On l'a entendu déjà dans les deux extraits qu'on vient d'entendre. Il y a toutes sortes de clichés, de rumeurs, de mythes qui entourent les francs-maçons, Hervé Gagnon. On parle souvent, par exemple, de la franc-maçonnerie comme d'une espèce de secte. Dans les faits, de quoi parle-t-on quand on parle de franc-maçonnerie? Bien, je pense que pour bien comprendre la franc-maçonnerie, il faut d'abord déterminer ce qu'elle n'est pas. Donc, elle n'est pas une religion, elle n'est pas un substitut de religion et elle n'est pas une secte, dans la mesure où elle n'offre pas de voie vers le salut. Hein? Ouais. La franc-maçonnerie, on l'a bien entendu dans l'espèce de vox pop là, qu'on vient d'entendre, la franc-maçonnerie est multiple. Par définition, il n'y en a pas qu'une seule. Bon, ce que j'entendais, c'est vrai que le Grand Orient de France, par exemple, est davantage affairiste. C'est vrai qu'il y a une franc-maçonnerie de type anglo-saxon qui est davantage axée sur le caritatif et sur le social. Bon. Ce qu'est la franc-maçonnerie au départ, je dirais que c'est une fraternité de nature initiatique, une société que l'on dit secrète et qui se dit discrète. Et en gros, on peut résumer... Parce qu'officiellement, elle n'est pas secrète, la franc-maçonnerie. Ben non, la Grande Loge du Québec organise une journée porte ouverte une fois par année. Je connais pas beaucoup de sociétés secrètes qui ouvrent la porte. Mais discrète. Oui, discrète. Essentiellement une société initiatique, une fraternité qui est discrète, qui tire ses origines du Moyen-Âge et qui n'a pas beaucoup changé depuis. Ouais. Mais quand même, encore et toujours, énormément de mythes autour de la franc-maçonnerie. On va se faire plaisir pour parler ensemble de ces principaux mythes qui restent des mythes d'abord et avant tout, dans un instant. On va se faire plaisir d'abord en écoutant la chanson « Les tailleurs de pierre » tirée d'un épisode de l'émission « Les Simpsons ». C'est succulent, vous allez voir, diffusé en 1995. Qui contrôle la politique? Qui combat le système métrique? C'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide? Qui cache les humanoïdes? C'est nous. Qui traite les écolos de ringards? Qui fait Steve Gutenberg une star? C'est nous. Qui gagne les femmes à l'écart? Qui truque les remises d'Oscar? C'est nous. Alors partons Hervé Gagnon de ce clin d'œil humoristique de ce tissu de clichés qu'on vient d'entendre dans cette chanson des Simpsons. Quand on parle des grands mythes autour des francs-maçons, de quoi quels sont les principaux grands mythes? Ben, je pense que tout est dans cette chanson-là. Ouais. Quelque part, ils connaissaient leur affaire. C'est pas un hasard qu'ils aient parlé de tailleur de pierre, parce que c'est l'origine de la franc-maçonnerie. Mais ce qu'on entend là-dedans, dans le fond, c'est une synthèse de tout le fantasme... L'omnipuissance. Anti-maçonnique, cette espèce d'organisation occulte, tentaculaire, qui contrôle l'économie, qui contrôle la politique, qui contrôle même les Oscars, qui sait où est l'Atlantide, qui cache les humanoïdes. C'est pas très loin des Illuminati puis des reptiliens auxquels on associe la franc-maçonnerie dans certains réseaux sur l'Internet. Je vous dirais qu'en gros, c'est une synthèse de tout ce que l'on associe de pire à la maçonnerie. Mais ça vient d'où? Parce qu'il y a une cohérence dans cette mythologie. Ben oui, mais il y a un mythe qui s'est bâti. Ouais. Je dirais, au départ, tout vient de... C'est bête à dire, mais tout vient d'un livre qui a été publié en 1797 par l'abbé Baruel, Augustin Baruel, si je me rappelle bien, qui était un truc pour servir à l'histoire de la Révolution française et dans lequel il avançait la thèse que la Révolution avait été causée par les francs-maçons pour faire tomber l'Église et la monarchie. Donc, dans le fond, les francs-maçons étaient vus comme des anarchistes anti-français. Et toutes les théories du complot se sont construites sur ce mythe-là. Ouais. Puis ça, on va y revenir, ouais. Mais ça pose déjà, vous l'avez dit d'emblée, l'un des mythes, les francs-maçons, ce n'est pas, la maçonnerie, ce n'est pas une religion. Cette franc-maçonnerie aura des rapports très tendus, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'Église dès sa création. On y reviendra à ça, mais... C'est un euphémisme, c'est ça. C'est un euphémisme. Mais commençons par le commencement. Quand commence donc cette histoire de la franc-maçonnerie? Ben, la franc-maçonnerie, on la retrouve dès le Moyen-Âge au sein des confréries de métiers, des guildes de métiers du Moyen-Âge, notamment celle des tailleurs de pierre. Et de là viennent toutes les traditions de la maçonnerie qu'on connaît encore aujourd'hui. Par exemple, bon, le fameux secret qui, dans le fond, est une poignée de main puis un mot de passe qui est associé à chacun des trois degrés de la franc-maçonnerie. Or, il se trouve que les corporations de métiers étaient en gros des syndicats qui étaient chargés de voir à la préservation de la qualité de leur ouvrage. Alors, là, comme le maçon avait ce qu'on appelait une franchise, c'est-à-dire qu'on lui donnait le droit de franchir les frontières pour aller d'un chantier à l'autre, offrir ses services et trouver du travail dans un chantier de cathédrale, par exemple. Alors, lorsqu'il arrivait là-bas, il n'était pas connu. Et il devait donc prouver sa compétence en donnant le mot de passe et la poignée de main qu'il connaissait. S'il connaissait celle du compagnon, on savait qu'il n'était pas apprenti. S'il connaissait seulement celle de l'apprenti, ben on le confiait à un compagnon, mais on était tenu de lui donner du travail. Donc au départ, c'est ça. Ce n'est que ça. Ouais. Et de là viennent toutes les formes de la franc-maçonnerie, même actuelle, où on a conservé ces choses-là. Ouais. Et on a conservé surtout le rapport que le maçon avait avec son travail. Hein. Il y avait une forme de sanctification du travail, notamment chez les tailleurs de pierre. Et on a développé toute une symbolique autour du travail du maçon opératif, c'est-à-dire de celui qui taillait la pierre. Parce que la pierre ne pouvait pas être mal taillée. Elle devait être parfaite pour s'imbriquer dans une construction solide. Et on a associé une vertu à chacun de ces outils, et ainsi de suite. Et ça, ça reste dans l'imaginaire de la franc-maçonnerie, ouais. Le bâti, l'architecture, les instruments des maçons, ça reste là comme des symboles. Cela dit, la belle époque de la construction et des bâtisseurs de cathédrales, ça va faire son temps, et des maçons, il y en aura de moins en moins, mais la franc-maçonnerie veut survivre, ce qui fait qu'au début du 18e siècle, en Angleterre, il y a comme une petite révolution. C'est le début de ce que deviendra la franc-maçonnerie moderne. Parlez-moi de ça. Dans quel contexte apparaît cette franc-maçonnerie nouvelle? Bien, c'est en 1717 qu'on voit s'opérer la transition entre ce qu'on appelle la maçonnerie opérative, c'est-à-dire le travail physique du maçon, et la maçonnerie spéculative, c'est-à-dire l'aspect philosophique de la maçonnerie, l'aspect, à la limite, presque ésotérique là, de la franc-maçonnerie. Essentiellement parce qu'à compter du 17e siècle, après le grand incendie de Londres, il n'y a plus beaucoup de... Une fois que la cathédrale Saint-Paul est construite, il n'y en a plus beaucoup à construire. Et les loges se vident. D'ailleurs, Christopher Wren était franc-maçon en passant. Et donc, les loges commencent à se vider, et les opératifs, pour que les loges survivent, commencent à accueillir des maçons, des bourgeois, des nobles qui sont intéressés par l'aspect philosophique de la maçonnerie. Et graduellement, c'est comme ça que les loges vont survivre, en devenant des loges de maçons acceptés. Ouais. Hein, on parle de maçons francs et acceptés maintenant, alors qu'on parlait de maçons francs avant. Ouais. Les acceptés, c'est ceux qui n'ont jamais taillé la pierre. Mm-hmm. Quoique, dans certaines traditions maçonniques, même aujourd'hui, on demande à l'apprenti de donner 3 coups de maillet avec un ciseau sur une pierre. On a gardé dans certaines traditions cet aspect-là de la maçonnerie opérative. Puis c'est aussi pour ça qu'on voit toujours les maçons porter des gants blancs. Ouais. Parce qu'on voulait s'assurer que personne puisse voir qui avait les mains calleuses, qui ne les avait pas. Mais cette maçonnerie moderne, donc, née à Londres, et cette loge de Londres et de Westminster, c'est encore aujourd'hui, Hervé Gagnon, oui. Pour une bonne partie de la franc-maçonnerie, l'espèce de loge mère. Oui, bien écoutez, en 1717, il y a ces 4 loges-là qui se réunissent dans une taverne, parce que c'est dans des tavernes que les loges se réunissaient à l'époque. Et ces 4 loges-là décident de former ce qu'on a appelé une grande loge, qui était la première grande loge, qui était... dans le fond, une unité administrative qui avait pour but d'administrer puis de normaliser la franc-maçonnerie. Et de fil en aiguille, on a écrit en 1723 des constitutions, beaucoup dilué les rituels, on les a déchristianisés, ce qui a causé des querelles, parce qu'il y en avait, il y avait des branches maçonniques qui voulaient pas déchristianiser le rituel, alors que en 1717, on allait davantage vers le déisme que vers la maçonnerie chrétienne, ce qu'elle était auparavant. Et effectivement, la Grande Loge d'Angleterre s'est graduellement au cours des siècles définie comme la détentrice de la régularité maçonnique. Là. Avec cette transformation, cette ouverture dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus dans cette franc-maçonnerie, dans cette grande loge, celle-là, puis les autres ensuite, il n'y a plus que des maçons, mais de plus en plus de beaux esprits. Pour ce qui est de l'Angleterre, beaucoup de membres de la Royal Society vont assez vite devenir francs-maçons. Oui, effectivement, il y en aura beaucoup. On pense entre autres à Robert Morey, on pense à Elias Ashmole, qui a créé le Ashmolean Museum, qui l'a légué à l'Université d'Oxford. C'était à plusieurs égards de grands esprits. Bon, on dit que Newton était franc-maçon, on n'a pas de preuve de ça. Mais bon, oui, c'est vrai que la maçonnerie s'est intéressée très tôt à la science, parce que pour ces esprits-là, dans la science, on trouvait la trace de Dieu. Il n'était pas question d'évacuer Dieu de la science. Au contraire, la géométrie, notamment, était pour eux la démonstration de la puissance divine. Vous parlez de science, ça nous amène à parler de l'arrivée des francs-maçons en France. Ça voit le jour à peu près vers 1725 en France, première loge maçonnique anglaise qui aurait vu le jour en France en 1725. Je fais le lien avec la science parce que on se rapproche des Lumières et ça va être important, cet esprit des Lumières dans l'arrivée des francs-maçons en France. De quelle manière? Bien, en fait, la franc-maçonnerie se développe très, très rapidement en France et elle se développe de manière totalement anarchique au départ. Là. On voit apparaître... Écoute, il s'est publié des livres, ça, d'épais, sur les vieux rituels français. On invente des rituels à gauche puis à droite. C'est une cacophonie rituelle complète. C'est pour ça qu'on va créer le Grand Orient de France vers la fin du 18e siècle, en 1778, je me rappelle bien, quelque chose comme ça, pour justement essayer de ramasser tout ça un petit peu puis donner un sens à tout ça. On inventait des rituels templiers partout. On s'était imaginé qu'on était des descendants des templiers. Ouais. Et bon, tout ça à cause d'une un petit discours qui n'avait jamais été prononcé par le chevalier de Ramsay, dans lequel il aurait dit, il avait écrit en 1738, « Notre ordre vient des croisades. Ouais. » Bon, et là, on s'est imaginé templier. et de fil en aiguille, on a... Donc, il n'y a aucun lien. Non, absolument pas. Ouais. Ça déçoit toujours les maçons quand je fais une conférence puis que je leur dis ça, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On a ramassé graduellement les loges, on a normalisé tout ça. Est-ce que les Lumières ont joué un si grand rôle que ça dans le développement de la maçonnerie en France? C'est sujet à débat, ça. Certains disent que oui, d'autres disent que non. En réalité, il est difficile de départager l'influence que la maçonnerie a eue sur les Lumières puis l'influence que les Lumières a eue sur la maçonnerie. Ouais. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a des loges. Il y a des loges où les grands esprits se rencontrent, notamment la fameuse loge des Neuf Sœurs à Paris, où on va trouver, tiens, je vous énumère ça comme ça, Voltaire, qui est initié 3 mois avant sa mort, Benjamin Franklin, qui en a été vénérable maître 2 fois, le sculpteur Houdon, l'astronome Lalande, Cabanis, les frères Montgolfier, Mirabeau, le marquis de Sade, ben oui, on en a toutes les sortes, hein? Lafayette, qui va partir aux États-Unis faire la guerre d'indépendance. Ben tout à fait, ben oui, tout à fait. Les Américains est un franc-maçon. Ben oui, et puis au même titre que l'indépendance américaine n'aurait pas pu se faire... de la même manière, sans l'influence maçonnique. On la sent beaucoup plus dans la Révolution américaine que dans la Révolution française, en fait. Ouais. Dans la Révolution française, il y a des maçons des deux côtés. Ouais. Du côté américain aussi. Mais la Déclaration d'indépendance, la Constitution américaine sont des documents profondément maçonniques. Ouais. 1877, on reste en France. Il se passe quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe cette année-là, Hervé Gagnon? Ben pour reprendre le terme qu'on utilise souvent, et c'est un schisme essentiellement, c'est-à-dire que en 1877, le Grand Orient de France, influencé par les débats du moment, notamment le débat qui a lieu sous la Troisième République sur le gouvernement provisoire autour de la gratuité de l'éducation laïque, etc., etc., et tous les idéaux de Jules Ferry, qui va être initié en 1875 d'ailleurs au Grand Orient. Jules Ferry, qui était à ce moment-là secrétaire du gouvernement provisoire, ben ça va faire que le Grand Orient va commencer à s'interroger sur la nécessité d'inclure dans les obligations maçonniques la croyance à ce qu'on appelle le grand architecte de l'univers, donc la croyance en un être supérieur. Ouais. Ce qui fait partie de ce que les Anglais appellent les landmarks, c'est-à-dire les obligations du maçon. La croyance à un être supérieur, prêter serment sur un livre sacré de son choix, la maçonnerie qui est fondamentalement masculine, etc. Il y a quelques critères comme ça que l'Angleterre impose. Ouais. Et en faisant ça, ben, le Grand Orient va se placer en situation de ce qu'on appelle irrégularité. C'est-à-dire qu'il ne sera plus reconnu par la maçonnerie qui s'autoproclame, il faut bien le dire, régulière. Ouais. Et de fil en aiguille, le Grand Orient va devenir autre chose complètement que, par exemple, la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et se développe au Grand Orient une tradition très politique, pas politicienne, mais très politique, philosophique au départ, hein, en France, les Lumières, donc les grandes discussions philosophiques, puis la France étant la France. Vous parliez de Jules Ferry, en fait, cette grande loge de France va participer activement aux idées de la République. Oui, vers la fin du 18e siècle, la maçonnerie française devient très républicaine. Est-elle abreuvée des Lumières, c'est autre chose. Ouais. Mais elle appuie de plus en plus la République, ça c'est clair. La laïcité. Oui, notamment. Mais vous parlez du Grand Orient, c'est vrai que le Grand Orient est beaucoup plus affairiste. Et encore là, il est en contravention avec une des landmarks, hein, ce qu'on appelle les anciens devoirs, pour le dire en français, qui est qu'on exclut du travail en loge, du travail donc de l'atelier, parce qu'il y a tout un vocabulaire de tailleur de pierre qui est encore présent en maçonnerie. Donc on exclut du travail en atelier toute discussion politique, religieuse, et j'ajouterais qu'implicitement, on exclut aussi toute discussion de nature économique ou commerciale. Ouais. Parce que c'est ce qui divise les hommes. Or, au Grand Orient, on l'encourage. Ouais. Et ça explique beaucoup le contenu du clip qu'on a entendu au début, où les gens pensent que ce sont des employés de l'État, des bourgeois. Ben, c'est vrai. On avance dans le temps. Ouais. On reste, pour le moment, surtout en France. Les francs-maçons auront, dès le début, fin 19e, début 20e siècle, une réputation dans les milieux nationalistes. On va les dire anti-français. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale, où là, on atteint un sommet probablement dans le dénigrement de la maçonnerie en France. Il y a comme toute une campagne qui est orchestrée. Un très, très bon exemple de ça, c'est le film Force de culte qui est réalisé en 1943. On écoute un extrait. Vous allez comprendre un petit peu, déjà sur le plan du ton, de quoi est fait cette campagne-là. Monsieur, vous avez déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie, mais nous désirons savoir qui vous êtes. Nous allons donc vous interroger sur vos sentiments, vos croyances, vos idées politiques. Répondez-nous sans vous troubler, mais en nous disant la plus stricte vérité. Consentez-vous à cet interrogatoire? J'y consens. Il est de la sagesse de cette respectable assemblée de vous dire quels seront vos devoirs si elle vous admet dans son sein. Le premier est un devoir absolu de secret sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous, ainsi que sur tout ce que vous verrez et saurez par la suite. Oui. Frère expert, faites approcher le profane. Et vous, maître des cérémonies, apportez la coupe des serments. Présentez la coupe au profane. Extrait du film de 1943, Force occulte, parlez-moi, Hervé Gagnon, de ce film-là, mais plus largement, du cadre dans lequel il s'inscrit. Ben, le film, en partant, est un bijou de désinformation. C'est magnifique, mais il y en a eu plein des comme ça durant l'occupation. Hein. Je dirais qu'essentiellement, sous le régime de Vichy, ce qui s'exprime, c'est l'antimaçonnisme à son apogée, c'est-à-dire qu'on a associé, comme on le disait tantôt, dès la fin du 18e siècle, on a associé la maçonnerie à une idéologie, disons, dans anti-État, anti-Église, anti-monarchie, etc. Donc, un État parallèle, presque. Oui, pratiquement. Et lorsque... Bon, il y aura par la suite les protocoles des sages de Sion qui sont un faux des services secrets russes qui circulent en 1903, qui vont influencer Adolf Hitler, qui va finir par voir le complot maçonnique, judéo-maçonnique un peu partout. Et c'est ce qui va revenir en France. Et sous Pétain, on va littéralement harceler les francs-maçons. Il y a un fichier de 170 000 noms qui est monté en France. Pour vous donner une idée du résultat de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai quelques chiffres ici qui sont intéressants. Aux Pays-Bas, au début de la guerre, il y a 6 000 francs-maçons. En 45, il en reste 2 000. En France, il y a 170 000 maçons qui sont fichés. Il y en a 7 000 qui sont emprisonnés. Beaucoup dans la résistance, par ailleurs. Ce qui peut expliquer... Ben, la résistance a utilisé le réseau des loges maçonniques pour faire passer ses directives. Jean Moulin était maçon. En gros, en Europe, dans les pays d'Europe, on calcule qu'il pourrait y avoir jusqu'à 80 000 francs-maçons qui ont payé de leur vie pendant la guerre leur appartenance à l'ordre, mais qui ont souvent été étiquetés homosexuels, juifs, résistants, etc., mais qui avaient souvent en commun d'être maçons. Hervé Gagnon, c'était fascinant de vous entendre nous raconter cette histoire des francs-maçons, historien de la franc-maçonnerie, auteur de nombreux romans à consonance maçonnique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.